QSM n'existait pas, les rugbyens n'existaient pas, Jean Borbois n'existait pas, les fonctions n'existaient pas, depuis que Raoul est là, les guitares envoient du poids, depuis que Roger est là, les chiffres dansent en clé de fa. Ah la la la la la la, surtout ne t'inquiète pas, les trois abacadabra, car ces trois délires sont là, si do ré mi fa sol la, exponentielle une seule fa, seul la si do ré mi fa, bienvenue dans la véranda.